potes, un peu mon venant pas de chez nous, un prénom peu commun, un unique destin, entouré de mystères, il intrigue la terre entière, sa fatigue est légendaire. J'ai un pote plein de cheveux qui n'est pas très vigoureux, personne ne sait pourquoi, enfin personne à part moi. Il vient d'une autre galaxie pour protéger les gens la nuit, il a un super pouvoir, il s'est dessiné dans le noir. Vas-y, Anna, pas dessine-nous un ciel bleu, mais t'es pas trop de traits où on croira qu'il pleut. Dessine un océan d'un beau bleu-violet, mais ce sera pas facile au crayon de papier. Vas-y, Anna, pas dessine-nous un ciel bleu, et n'oublie pas de dessiner toutes les molécules d'odeur. Laisse faire ton crayon comme il le veut, mais fais pas trop de traits, le graphique c'est coûteux. Une ancienne prophétie a précisément décrit le dernier jour de la Terre, l'heure du troisième millénaire. Un seul héros peut la sauver, et ce héros je le connais, c'est mon fameux pote fatigué. Toutes les nuits il se démène, combat des zombies par centaines, il leur dessine des soleils et des lapins et des merveilles. Les zombies n'aiment pas ça, ils explosent quand ils les voient, chaque nuit la Terre est sauvée, et ça personne ne le sait. Vas-y, Anna, pas dessine-nous un ciel bleu, mais t'es pas trop de traits où on croira qu'il pleut. Dessine un océan d'un beau bleu-violet, mais ce sera pas facile au crayon de papier. Vas-y, Anna, pas dessine-nous un ciel bleu, et n'oublie pas de dessiner toutes les molécules d'odeur. Laisse parler ton crayon comme il le veut, mais fais pas trop de traits, le graphique c'est coûteux. Les zombies mordent la tronche, ils s'en prennent plein la tronche. Bien fait pour eux, Anna Paa est un dieu, est un dieu. Comme il le veut, mais fais pas trop de traits, le graphique c'est...